la faire passer, sans démolir l'enfant, parce que ton ego ne sera pas impliqué dedans. C'est pas bon de te fâcher pour un enfant. Pas bon. Mais de donner un choc à un enfant, c'est créatif. La science des chocs, tu vois que Jeff en parlait dans ses études. Le choc. Ni un moment de donner un choc à un être. Ni avant, ni après. Ni un moment. La vibration passe, ça. T'apprêtes ça. Pas avant. Ouais, c'est après avant, c'est émotionnel. C'est après après, c'est émotionnel. La vibration est jamais. Le choc ne pas être jamais sous le contrôle de l'ego. Fait que l'enfant bénéficie de cette vibration-là qu'il ne peut pas avoir en relation avec les autres, mais qu'il peut avoir en relation avec tout. Parce que t'es un canard à ce moment-là. C'est comme l'enfant est trop jeune pour être un canard. À ce moment-là, c'est lui qui devient un canard. De l'enfant tombé, c'est plus difficile. Parce que c'est toujours les états qui ont été, en étant plus sensible à la souffrance, il y a plus de difficultés à appliquer ça. C'est toi qui l'as mis au monde. C'est comme si, en attaquant son ego à lui, en un choc au niveau de l'ego, c'est comme si tu attaquais ton ego à tout. Plus il est jeune, plus c'est difficile. C'est ça qui est tard. C'est vrai, c'est pas difficile. Mais plus vous conscientisez, plus vous devenez mental. Oui, plus vous êtes capable. Mais c'est un des plus grands tests. Oui. Pour un temps, vous faites pour un bain, c'est un test. C'est un grand test? Oui. C'est un test. C'est un test de mentalité, de simplicité. De... Comme l'homme va avoir un test en relation avec son patron, la femme va avoir un test où tu vas en relation avec son enfant. Parce que nos enfants sont bien importants. Ils sont bien importants. Quand on réalise même pas aujourd'hui combien sont importants. Plus tard, on va dire. Parce qu'eux autres aussi vont être dans l'énergie. Comme là, tu parles avec ton mari, mais plus tard, tu vas parler avec ton mari, ton enfant, tu fais 3, tu fais 4. Il y a une chose, quand je veux des tâches sucrées, le petit, là, souvent, je les portais, qui me donne l'information. Ça arrive souvent, là, que, parce que là, moi, je te prépare d'avoir un bon pilote, un bon pilote, parce que je te trouve dans mes filets. Le petit, par les réflexions que je faisais, il m'a fait ça. Souvent, quand je fais le feeling, disons, un contrôle fécond, du mental, que j'en peux plus, c'est toujours le petit qui me donne des mots, des idées qu'il faut. En fait, je change de canal complètement. Une fois que j'étais complètement servi, je suivais, je demandais, qu'est-ce qu'il y a pour toi qui va pas, parce qu'il faut pas qu'il y ait une tension parce qu'il y a des valeurs. C'est deux en pour des valeurs. Il m'a dit ça il y avait 2 ans. Là, je l'ai capté, qu'est-ce qu'il y a petit peu. C'est pas sûr qu'il était parti au check-in. Mais là, il parle à toi, c'est pas mal, il fait d'autres choses. Ça arrive souvent. J'écoute le petit bail comme je peux t'écouter, ça va drôle à dire. Donc, si on écoute un enfant comme ça, objectif. Si on écoute un enfant comme ça, il y a quelque chose d'autre qui se passe pour tout le monde. Ça, c'est des bandes d'enfants. Les enfants sont pas tous pareils. Il y a des enfants qui peuvent écouter, il y a des enfants qui peuvent écouter, il y a des enfants qui ne peuvent pas les écouter. Mais pourquoi je peux se servir des enfants aussi pour activer des points qui me touchent. Oui. Ah, il va s'allumer n'importe. Mais c'est absurde de comprendre vos enfants, c'est absurde de savoir si vos enfants l'ont une vibration, s'il y a quelque chose qui passe par vos enfants. Il y a des enfants par lesquels il se passe beaucoup d'informations. Puis il y a des enfants par lesquels il ne passe pas rien. Ça dépend des enfants. Les enfants qui sont faciles à élever, il y en a d'autres qui sont difficiles à élever. Moi, ma fille, c'est un cadeau. Eh bien, jeune, ça, c'est pas un cadeau. Mais le travail qui était fait sur ses corps pendant 7 ans, aujourd'hui, se fait que est un cadeau là. Mais c'est un caractère, parce que le mot dit tête de cochon. Sa tête de cochon, mais c'est cette énergie-là. Tu passes par les tours. Tu ne peux pas détruire sa force. faut que tu canalises. Sans ça, tu détruis l'ego de l'enfant. Faut pas le détruire. L'enfant, faut le renforcer, le renforcer, le renforcer. Mais. Toi. Moi, je travaille toujours à construire et à développer son ego. Mais clair, qu'il soit clair, l'ego, qu'il soit clair. Pas brouillé. Je prends l'affaire de colporter, c'est évident, ça fait partie de l'ego, ça faut que je l'enlève. Bien qu'un moment où c'était de donner un choc, ça aujourd'hui c'était le temps, même si ça faisait 2-3 ans qu'elle faisait ça, là aujourd'hui elle l'a eu, pas. Elle colporte trop dur. Mais il faut qu'elle comprenne. Ouais. Mais il n'y a pas un enfant pareil. Moi j'en ai une top. J'en ai une top. Parce qu'elle est bourrée de qualité, t'as tous les qualités dedans. Les enfants ont les qualités de défaut. Fait que tu fais un cadeau. Elle. Et moi, j'ai donné des chocs vibratoires depuis qu'elle est venue au monde. Je pense qu'elle va 3 semaines sans faire un choc vibratoire. J'ai écrit cette plaque, c'est ça. Ah! La femme m'a regardé avec des grands yeux de main. Puis elle se rappelle, la dernière qu'elle se rappelle, elle avait 5 ans. C'est la seule qu'elle se rappelle à 5 ans. C'est-à-dire sa grande, la dernière grande fessée. Aujourd'hui, c'est une chose là, je parle avec elle. Je parle fort, je parle. Mais les fessées, là, c'est les fesses. La dernière, c'était à 5 ans. C'est la seule qu'elle se rappelle des autres quand elle est petite. Ce qui arrive, c'est qu'elle est tellement dans son esprit aujourd'hui qu'elle a un jugement. Elle a un jugement là-dessus. Je ne vais pas au magasin acheter des robes, que t'es pas assez qu'elle robe, celle-là, des couleurs, tout. Ah. Elle aussi, c'est un nombre bien close. Elle fait des réflexions. Mais des fois, elle tombe dans ça. Faut que tu assortes tout ça. Parce qu'on parle, on a des options. On bateau de la pureté des enfants. Puis, ça va être un enfant. Des enfants. Un enfant, c'est inconscient. C'est totalement inconscient. Il faut que ça devienne conscient. Mais comme ils sont jeunes, puis qu'ils n'ont pas été conditionnés au niveau du mental, ils sont des canaux ouverts. Nous autres, notre travail d'éducation des enfants, c'est de maintenir ouvert le canal. Puis d'ajuster l'ego pour que rendu à 15-16 ans, un enfant soit dans son esprit. Une fois qu'il est rendu dans son esprit, il n'y a plus de problème, cet enfant-là, comme nous autres, on a eu, de se réinjuster, de se trouver, puis de se plugger. Ils sont plugués depuis longtemps. Fait que là, tu as des enfants de cet âge-là, que tu peux parler avec eux sur cette longueur d'onde. Nos enfants vont bénéficier de notre expérience. Nous autres, on est obligés de vivre la secousse, la grande secousse. Nos grands doutes extérieurs, tout notre changement, nous n'avons pas ça. Les émotions viennent de la vie, telles qu'on la connaît. Nous autres, chaque enfant, lorsque je pense de la je ne parle pas d'émotions que l'enfant va vivre. Bon, ok, je suis content de vous entendre. Il dit que quand tu es un enfant, tu lui donnes tout ce que tu peux lui donner. Quand il est vibratoirement en harmonie. Quand un enfant est vibratoirement en harmonie, là, quand il est dans son esprit d'enfant, dans son esprit, c'est quand tu tombes dans le caractère de son ego, pour qu'il y enlève. Si ton enfant est bien, gentil, puis il est bien là-dedans, puis tu sais qu'il est dans. Tu peux donner à lui. Tu le contrôles jamais. Fait qu'il dit, il n'y a pas peur de gâter vos enfants. L'abondance, il devrait en avoir sa tête. Il n'y a pas de raison qu'un enfant n'ait pas son petit physique, qu'un enfant n'ait pas son livre, puis il n'y a pas ça. C'est quand les enfants sont au travail que là, vous devez couper à la racine ce travail-là pour qu'il retourne dans notre vibration et vous continuez à les nourrir. Fait que, qu'est-ce qu'il a dit? L'enfant, il manque de rien. Il a tout dit. Il a tout dit, l'enfant. Il n'y a pas de raison d'en faire tout parce qu'il dit que tout ça va. Mais quand vous donnez quelque chose à l'enfant, il faut que ça soit toujours en harmonie vibratoire. c'est pas en harmonie que je vais faire pour que tu restes. Moi, ils ont dit quand j'ai eu la titre, ils ont dit que la titre, elle va tout avoir. Ce qu'elle a besoin. Ça, ça veut dire que quand tu es en harmonie vibratoire, si elle va au magasin, ben, tu comment, je pourrais-tu avoir, je sais pas moi, un crayon et du tapis, parce qu'elle est autour d'un tapis et d'un crayon. Voyez la fin. Mais si elle me dit, t'as pas jamais ça d'avoir un autre, tu connais la vibration, là. Là, c'est l'ego. Et puis dans son esprit, là. Et dans son esprit, quand elle a demandé, papa, j'aimerais-tu, je pourrais-tu en avoir un crayon et un papier? Là, c'est dans son esprit. Ou ça, quand tu t'abaches, je pourrais-tu en avoir deux? Et dans son égo. Mm-hmm. Là, tu comprends. C'est ça. Mm-hmm. Quand vos enfants, vous avez des relations avec vos enfants, checkez toujours s'ils sont dans l'esprit ou s'ils sont dans leur égo. S'ils sont dans leur égo, là, là, tu te coupes. Sans ça, l'ego va se développer. Il va se développer. Première chose, tu vas savoir, tu vas rapporter sur l'eau. C'est bien important, c'est bien subtil. La différence entre l'ego de l'enfant et l'esprit de l'enfant. C'est l'esprit de l'enfant, l'enfant qui est libertaire. Il y a des choses que ça va loin de ça. Tu ne peux pas te donner matériellement ce qu'ils ont besoin à ce moment-là. S'ils sont dans l'esprit, ils vont tout comprendre. S'ils sont dans l'ego, ils ne comprendront pas. Ah, ok. C'est aussi tout à fait tout. Tu prends tout comme ça. Si à un moment donné, l'enfant fait des gènes, soit des habitudes qui te nuisent, ça t'étouffe, ça te fatigue, tu sais, ça prend ton énergie ou quelque chose. C'est dans l'ego. C'est pas en harmonie. C'est à cause de l'ego. Parce que finalement, c'est tout le monde qui t'en fait en harmonie. Oui, mais il faut jamais que tu te temps de nature. Moi, je trouve que c'est la. Si l'enfant est dans son esprit, il va être en harmonie avec toi. C'est ça. Si il est dans son ego, il ne sera pas en harmonie avec toi. Ah, c'est là que je te parle. Ça crée des tensions. Là, bon, tension. C'est ça. C'est ça. Faut toujours juger s'il est dans son esprit ou s'il est dans son ego. S'il est dans son esprit, ça nous fatigue. On est bien avec la fin. S'il est dans son ego, on a un petit malaise. Ça nous fatigue. Ça nous met ses nerfs. Oui. Bon, il y a une chose, c'est l'esprit de l'enfant que notre ego aussi. Tu peux sentir notre ego. C'est bien, exemple, tu peux accepter un luxe, puis le petit te demande un luxe lui-même. Puis là, tu dis non, mais toi, là, tu ne l'as pris. Il a raison. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu donnes son luxe. C'est ça. Un enfant, c'est un petit adulte. Puis l'enfant a le droit d'avoir ses choses. Comme toi, tu vas au magasin, tu te fais tes chiffres, tu te mets ta pipe. Lui, si on va au magasin, il a le droit à avoir son équivalent. Puis c'est lui qui paye pour. Ça, c'est subtil, ça aussi. Ce qui arrive dans les familles, comme dans l'ancien temps, dans nos familles, elle allait dans les magasins, puis il y a beaucoup d'argent à faire, il n'y a pas d'abondance. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait toujours des enfants qui sentaient insécurité. L'enfant, il allait à l'école, son chum, il avait une belle bottine, puis il y avait des bottines de son petit frère. L'autre, il avait un beau pantalon, l'autre, il y a le pantalon de son petit frère, avec un trou dedans. Il dit qu'on ne doit pas penser que des enfants, ce sont des enfants, ce sont de petits adultes. Fait que si nous autres, on a le droit de nous acheter une chose, tu vas au magasin. Moi, je m'en vais au magasin avec ma femme chez Steinberg, pas chez Steinberg, c'est gros, ça. On achète. Je sors du magasin qui est paquet à tente de mer. Tu penses que tu vas sortir du magasin bien vite? Il va t'accrocher quelque part, quelque chose, d'aller. Je ne sais pas d'accord, je ne sais pas. Il a le droit à avoir quelque chose aussi parce que lui aussi, il faut qu'il s'exécute au niveau de son esprit. Si c'est au niveau de son esprit, ça marche. Quand ça tombe tout au niveau de son ego, là, tu check. Parce qu'un enfant passe toujours de l'ego à l'esprit, à l'ego à l'esprit, à l'ego à l'esprit. C'est ça, être un enfant. Un enfant, c'est ne pas être capable d'être stable dans l'esprit. C'est de passer de l'esprit, l'ego, l'esprit, l'ego. C'est ça, être enfantin. Esprit, esprit. Parce que quand t'es conscient, t'es toujours dans l'esprit, t'es jamais dans l'ego. Ça juge la maturité de l'enfant de son pouvoir de rester dans l'esprit le plus longtemps possible. Parce que c'est ta job, tu vas entendre l'éducateur de le garder, de l'aider à rester dans son esprit. C'est ça l'éducation. Puis avec une façon de faire en passant chaque vibratoire de l'ego pour se trancher en esprit. Comment? Ça veut dire garder son âme dans le cœur, c'est que bon. C'est quand même que c'est bon de garder son côté. Il dit que c'est pas bon, c'est bon. C'est que le point doit être situé en relation avec l'évolution de l'enfant, en relation avec l'évolution de l'ego de l'enfant, pour que, au fur et à mesure qu'il avance, pour qu'il puisse rentrer dans son esprit le plus vite possible. Pourquoi pour un adulte? Par exemple, une personne de 35, 40, 57, on dirait que c'est bon de rester un enfant. Ouais, mais ça, c'est des adultes qui sont des enfants. Qui jouent avec esprit égo, esprit égo. Si entretiennent le fait qu'il faut que ce soit comme ça, à ce moment-là, ils ne veulent pas aller dans l'esprit. Ils ne veulent pas être dans l'esprit. C'est ça. Et j'ai aucune intention, puis j'ai aucun goût d'être un enfant, puis de me sentir comme un enfant. Parce que j'ai bien plus de plaisir dans la vie à être dans mon esprit que d'être dans un petit esprit. Je mets dans un grand esprit qu'un petit esprit. Parce que la vie est plus vaste. Ça, c'est encore de la du rationalisme des gens. C'est l'esprit poétique de l'humanité. Il dit, on est tous des cigares. Parce qu'au niveau d'éducation, les enfants vont à l'école. Actuellement, l'éducation est centrée sur soi-même, parce que le côté poétique de l'enfant. L'éducation aujourd'hui dans toutes les écoles du monde est totalement retardée de terre. Il n'y a pas d'école sur la terre où l'éducation permet à l'enfant de passer de l'ego à l'esprit. Ça prend dans des écoles initiatiques, ça, puis il n'y en a pas encore. Même les écoles Steiner ne sont pas à ce stage-là encore. Parce que pour avoir 20 enfants ou 30 enfants pour les faire passer de l'ego à l'esprit, il faut que tu sois toi-même d'abord conscient. Il faut que tu sois dans ton esprit pour pouvoir passer la libération de ton esprit à eux autres. Donc, les écoles sont des moyens temporaires pour permettre à l'ego de développer de plus en plus au niveau de son intellect puis de ses capacités naturelles. Mais ce qui est le plus dommageable dans les écoles aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas comment enseigner à l'enfant par la méthode de l'esprit. On enseigne à l'enfant par la méthode de l'ego. L'ego du prof contre l'ego d'enfant. C'est ça, c'est un enfant qui dit comme ça. Quand il arrive à la maison, tu te rends compte quand il n'y a pas deux, trois journées de congé, c'est plus facile avec ton enfant. Ouais, il retourne à l'école, mais ça marche. C'est ça. Puis il vient de l'école, il y a des habitudes. Tu fais l'école. L'école, ça dépend. C'est pour ça que moi, je suis content parce qu'à cette heure, ils me l'ont fait sortir de l'école privée de rentrer dans l'école privée pour faire rien. Puis là, elle se concentre tout de son piano. Tu fais partie de son esprit. Fait que l'école, tu fais partie de son ego. Puis ça, voilà. Fait qu'elle apprend à lire. Elle apprend ses mathématiques, ce qu'elle va avoir de besoin, les instruments, là, le reste. Elle prend pas de temps avec ça. Parce qu'elle est toute pleinement orientée en piano. Mais, c'est parce que je le sais, si je ne savais pas, elle perdra son temps dans l'ego de l'école. Parce que là, elle rentre dans son esprit à elle, puis dans son esprit, c'est le piano. Puis là, je la guide, là, ça fonctionne. C'est ça, il suffit de trouver la... Il faut savoir. Qu'est-ce qui fait à chaque enfant? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça, on rêve, là. Ça. Moi, je me retarde de dire des choses aux gens. Je me retarde parce que, pas la fois que je me retarde personnellement, je dis que je me retarde. Je retarde de dire des choses aux gens parce que les gens peuvent pas comprendre la subtilité de l'esprit dans ce que je dis. Donc, automatiquement, ils vont faire des gaffes. J'attends. J'attends deux mois, j'attends trois mois, j'attends quatre mois. Éventuellement, vous pouvez le dire. Comment, quand un métro, mettons, la volonté n'est pas pleinement réalisée envers quelqu'un, ça cause une souffrance. Si je veux dire. Ouais. si à un moment donné, c'est comme si, genre, c'est qu'en voie de la volonté, mais elle n'est pas réalisée. À ce moment-là, cette scène souffrance. Mais c'est juste quand c'est réalisé que là, tu peux l'appliquer, comment dire, c'est comme le savoir. C'est s'il n'est pas réalisé, à ce moment-là, il t'empêche de dire, là, ça te cause une souffrance. Mais quand c'est pleinement réalisé, il faut que s'exprime. Oui. Est-ce que ça peut durer ça dure. Oui, mais ça fait partie de l'évolution des corps. Ça fait partie de la pénétration de l'énergie. Ouais. Tu ne peux pas réaliser ta volonté tant que tu n'as pas des corps pour absorber la volonté. Parce que quand tu réalises la volonté, l'énergie de la volonté, à ce moment-là, ton corps émotionnel soit assez fort pour absorber. Mais sans ça, tu souffriras de culpabilité, tu souffriras de ci, tu souffriras de ça. Parce que quand ça part de ta faire là, il ne faut pas que tu aies de culpabilité. Faut que ce soit froid. C'est juste froid. Donc là, c'est précis, c'est ça. C'est fiant. Tu ne regardes pas en rien. Moi, j'ai tapé ma vie sur le test. Je ne pense pas aux autres. Je ne m'inquiète pas de savoir si j'ai fait trop de bruit ou non. L'énergie passe, non, je le fais. Bon, mais dans la volonté, c'est la même chose. L'énergie se passe. Si tu commences à te culpabiliser, puis te questionner, puis raisonner, puis à fond, on va passer l'énergie. C'est une force d'énergie. Ça crée des chocs vibratoires, cette énergie-là. Faut pas que l'ego en souffre. Sans ça, ça démolit. Mais toi, il dit, toi, là, tu commences à te comprendre. Dans le sens que tu commences à te mesurer, tu commences à pouvoir te mesurer. Quand tu commences à pouvoir te mesurer, là, tu commences à pouvoir te savoir. Puis quand tu commences à pouvoir te savoir, tu commences à pouvoir être plus sûr de ce que tu fais. Oui. Tu sais que c'est ça. Oui. Mais jusqu'à... Jusqu'à sa limite. Parce que tes limites sont toujours les limites de ton pouvoir de pouvoir recevoir l'énergie. C'est ça. Mm-hmm. Mais c'est ça que je te dis. Ouais. Quand tu es dans un état... Elle doit prendre plaisir à la vie de son ego. Mm-hmm. Pour dimension de son esprit. C'est vrai. Pour le commun des mortels, c'est la loi de Dieu, c'est ça. J'expliquerai pas ça aux gens. Je dirai pas ça au monde, c'est bien. Parce que les gens ne comprendront pas ce que je veux dire. Si les gens ne comprennent pas ce que je veux dire, ils n'interprètent pas ce que je veux dire. S'ils n'interprètent pas ce que je veux dire, à ce moment-là, ils vont mal agir dans leur vie avec ce que je veux dire. J'entends ça depuis que je retarde ce que je dis. Ils comprendront pas. De la parole de la maison, puis la mort, il dit, c'est ça, c'est mal, ça va, c'est le monde. C'est le monde. C'est mon âme. Et là, c'est ici que le vrai pas de l'histoire pour réaliser. Puis, en fait, c'est pas elle qui peut faire mort à l'idée. C'est ça. La situation médicale, surtout dans ces domaines-là, les mariages, tout ça. Yeah. elle dit, j'ai jeté les négatifs. Ça m'a passé un choc dans le corps. Et après, elle ne m'avait pas tout expliqué sur l'affaire, mais le choc, la souffrance, ça m'a fait passer le corps. Ouais. C'est, ça paraît ridicule pour un égo. Mais pour moi, ça a été un choc. Là, j'ai envie d'aller à mon nez. Je me décide depuis plus de 10 ans. Puis tu continues à m'expliquer ça, ça a été tout déplacé. C'est tout des affaires. C'est rendu, là, à un certain point, tu souffres pour des niaises. Des niaises. C'est plus des grosses affaires. Ils sont plus capables de prendre des grosses affaires. C'est des petites niaiseries que tu souffres. Puis, mais, il vient pas être capable. Fait que là, tu t'en sauves, tu te protèges, puis tu te protèges, puis tu te protèges, puis tu te protèges. Pour pas souffrir. Clap. Ça, ça vient du niveau de conscience. Ça vient du niveau de conscience, tu vois. Parce que tu es bien. Trop sensé. Donc, ça veut dire que tu es conscient, tu te protèges. Tu es conscient, tu te protèges. Tu viens comme anesthésie. Tu t'anesthésies. Donc, c'est normal. C'est normal. Ça revient au point de dire c'est une chose à faire que je ne peux plus supprimer. Je sens que je l'attends bien. Mais par après, je me demandais si j'empêchais pas l'énergie de passer. Quand t'es capable, les autres, ils savent si t'es capable. Fait qu'ils vont t'accrocher un autre point de vue, ils vont t'en donner un autre. Fait que ce qui arrive à ce moment-là, c'est tout, tout fort. C'est tout fort. Puis en fonchant, tu corriges la situation, tu corriges la situation, tu corriges. Tout le monde, la situation est bien corrigée. Ils peuvent quasiment pas t'accrocher. Ils peuvent t'accrocher si tu sors de chez vous, là, puis tu t'en vas en ville, ils peuvent t'accrocher. C'est juste c'est des niaises. Parce que les grosses choses te font plus. Ouais. C'est trop évident. Mais les petites choses, là. Donc, c'est dangereux si tu as réussi à t'anesthésier, ben, tu peux être des affaires, tu peux moins fonctionner. Tu peux aller de te faire faire des tuyaux par toi-même pour te remettre en contact avec des. C'est une espèce de sensation. C'est un rôle de porteur étant que tu peux faire revenir à la casquette. Tu te réveilles sans anticipation que tu avais vécu, tu es endormi. Bon, c'est encore le nouveau Lego. Ok, moi, dis quelque chose. Ça. Il dit que quand tu fonctionnes tout à l'heure dans ton esprit, tu n'as jamais besoin de ça. Mais il faut que tu fonctionnes totalement dans l'esprit. Il ne faut pas que tu aies 99,9% dans ton esprit pour que tu aies 100% dans ton esprit. Si tu fonctionnes 100% dans ton esprit, il s'occupe plus d'autres de ton mental, de ton émotionnel, de ton vital, de ton conflit. Moi, si je viens de prendre les rues, là, je vais dire, bon, dans 1h30, puis ça soit fini, ça va être 1h30, je suis là. Tu vas me dire quoi faire. Mais il faut que tu sois tout à l'heure dans ton esprit. Oui, mais disons, il y a quand même des questions, parce que moi, la semaine passée, je me suis réveillée avec un rhume, puis à midi, je faisais mon voyage, partir, puis je me demandais, j'ai plus d'espérance, puis je ne peux pas prendre le médicament, je réagis, c'est le contraire. Puis je me suis rendu compte, quelques heures après, quand mon mari m'a dit comment va ta grippe, qu'il y avait besoin de ça. Je n'étais pas plus consciente, puis là, ben, quand j'en ai plus conscience, c'est devenu un petit peu. J'avais coupé complètement le carré. À ce moment-là, c'est l'énergie qui avait. Toujours l'énergie. Il faut penser à l'énergie. Mais l'ego, il ne suit pas toujours à l'énergie. L'ego, il suit à n'importe quoi. C'est comme moi, normalement, en tant qu'homme, c'est pas normal de ne pas pouvoir courir. Un homme court, c'est normal. Moi, je suis pas capable de courir. Mais si j'étais à mon niveau, puis là, je me dirais, bon, mais je vais faire du jogging, je vais me mettre en force. Là, je me ferais du dommage. C'est ça qu'il faut en arriver à jamais se comparer. Il faut toujours être centré. Parce que les lois de l'homme ne sont pas les lois de l'esprit. Les lois de l'ego ne sont pas les lois de l'esprit. Les lois de l'ego sont liées à la forme. Les lois de l'esprit sont liées à l'énergie. Je me demandais que tu le penses. Pas en forme. Tu ne sais pas. Mais en forme. C'est de contrôler ça. C'est pas que tu le contrôles aussi. Tu vis dans l'esprit. Non, c'est de contrôler. Ouais. C'est ça. Mais pour moi, c'est toi-même qui fais ta contrôle. C'est sûr, oui, oui, c'est d'abord santé, définitivement. Est-ce que c'est possible que ton corps ait de la difficulté à suivre à un moment donné l'élévation du niveau de vibration qui t'enlève des séquelles? Ah, c'est normal. Parce que tu vis de plus en plus dans le mental. Mais ça va s'approcher. Hein? Parce que plus tu vis dans le mental, plus tu vis dans le supramental, plus ton corps éthérique, ton corps vital se disloge de ton corps physique. Fait que si ton corps vital, puis ça, il faut en avant, parce que tu sais que quand ton corps éthérique se coupe de ton corps physique, ma fille, pis si t'es pas entraîné à ça, c'est pas intéressant. Parce que tu pars. Fait que là, ton corps se sépare lentement, lentement, lentement, mais le moindre séparation que tu sens de ton corps physique et ton corps vital, ça affecte ton corps physique. Si tu mets ton égo là-dedans, puis là, ton égo s'inquiète. Faut que tu vives dans l'esprit. Moi, j'ai déjà mangé des repas qui m'ont rendu malade. Là, je t'en maudis pas de l'autre. C'est que ça part. Ils disent, on a besoin de cette énergie-là. Fait que là, tu vis dans l'esprit, fait que tu t'inquiètes plus. Fait que tu peux te rendre malade pour changer les vibrations de ton corps électrique. Tu sais, ça n'arrête pas là. Quand on dit que t'es trop loin, tu sais, souvent, c'est ça qui est bien tôt dans ta tête. Tu sais pas, tu dans ton corps. Tu as dit que tu es c'est une évolution dans le mental. C'est normal. Ça fait partie de ton tempérament de vivre dans ta tête. Plus tu vas aller, plus tu vas vivre dans ta tête. Donc c'est normal. Pour toi, c'est normal, oui. Si tu commences à t'occuper de ce que les autres disent à ce moment-là. Je sais, je ne m'occupe pas de ce qu'ils disent. Ouais, c'est ça. Ça les dérange pareil. La question est, c'est que le monde dit, si tu ne suis pas ton corps en harmonie avec ta tête, ton corps va suivre sa tête. Bon, moi, je me dis, ce matin, ça fait 20, le corps va suivre. Automatiquement. Pour la majeure partie. Non, ils font du jogging, les autres. Conscient, tu ne cherches plus rien, tu n'as plus besoin de rien. la grande paix. Puis la paix, ça veut dire le moins contact possible avec l'homme inconscient. C'est plus chaud, éventuellement. Non, c'est plus chaud. Non. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est comment est-ce que c'est un expliqué qu'on veut pas? C'est dans ce sujet-là, quoi? De voir quelqu'un qui comme le dit. Si on s'arrête, c'est du tout. Ouais, ok. C'est du tout né. C'est la synchronisation. Ce n'est plus de spiritualité. C'est du tuning, puis du tuning, puis du tuning, puis du tuning, puis du tuning, puis tu développes la résistance, puis tu développes la résistance supplémentaire, puis tu développes. Éventuellement, tu deviens comme un bloc d'acier. Fait qu'il y a une guerre atomique entre les Russes et les Américains, il n'y a rien là. Parce qu'ils vont, créer les conditions où ton corps matériel sera protégé. J'ai plus de limite à ce niveau-là. Prends-tu à ce mot. Quand on est rendu à ce stade-là d'évolution de l'homme, il n'y a plus de limite. Alors, il faut qu'il y en a d'autres qui descendent, qui descendent de plein vers ton plein pour te rentrer dans leur marché. Fait que t'es prêt? Comment tu fais ton travail de préparer? C'est ça. C'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est ça. Fait qu'en attendant, tu commences à t'occuper de ces affaires-là, tu t'occuperas plus du vos vol demain matin. Tu t'occuperas plus de travailler le lendemain matin, tu t'occuperas plus d'avoir du plaisir avec tes enfants. De plus en plus de désignés, ça forme une société anonyme. est allé en France, puis t'as juste dit, moi, si je vais à New York, je vais rencontrer quelqu'un dans le restaurant, ça s'y est. Si je vais en France, je vais rencontrer quelqu'un. Je vais rencontrer quelqu'un. Tu rencontres quelqu'un. Tu rencontres quelqu'un. Tu rencontres quelqu'un. Tu rencontres quelqu'un. Ça te fait des amis. Avec qui tu peux parler. Une de mes amies, il a tiré la République dominicaine, elle a rencontré le président de la République dominicaine. Il est déjà dedans. Tu rencontres du monde à tous les niveaux. Et lui, il souffre dans sa sensibilité psychique. C'est sa souffrance. Elle, avec ce qu'elle sait, elle peut l'aider à comprendre la mort. Ça va loin. Moi, je me rappelle au début, il me disait, un jour, tu rencontreras Andrea Poharic. Tiens, comment je peux rencontrer Andrea Poharic? Je suis pas un physiciste. T'inquiète pas. Tu vas l'envoyer. Un jour, je vais avoir une librairie, je vois une petite femme, puis moi, je vais vraiment dans une librairie. Je vois une petite femme, puis je dis, madame, vous devriez lire ce livre-là, c'est très bon. Je vais regarder tout le monde là-bas. Pourquoi est-ce que vous me dites ça?